إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Donc bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous accorde la réussite. Tout d'abord, j'aimerais remercier donc les frères qui ont organisé ce séminaire. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser de la meilleure des manières. Et donc, comme cela a été annoncé, la conférence d'ouverture de ce séminaire est intitulé « Et combien de ceux qui veulent le bien ne l'atteignent pas ?» Et en vérité, barakallahu fikoum, cette phrase, donc le titre de cette conférence, fait partie du athar de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il est bon de rappeler le contexte de ce affaire. Abu Musa al-Ash'ari, qu'Allah l'agré, a vu des gens évoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans la mosquée d'une manière qu'il n'avait jamais vue. Il décida alors d'aller trouver Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu pour lui faire part de ce qu'il a vu. L'imam al-Darimi rapporte d'après Amr ibn Yahya qui dit: j'ai entendu mon père rapporter de son père, c'est-à-dire Amr ibn Salam, la parole suivante: nous avions pour habitude de nous asseoir devant la porte de Abdullah ibn Mas'ud avant la prière de l'aube afin de pouvoir marcher avec lui jusqu'à la mosquée lorsqu'il sortait. Et ça, barakallahu fikoum, c'était une habitude chez les pieux prédécesseurs. C'est-à-dire, ils allaient devant le domicile des savants pour profiter de sa science très tôt le matin. Et ce procédé nous indique que l'étudiant en science ne doit pas manquer une occasion de profiter de son enseignant. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs, tôt le matin, ils attendaient leur professeur devant leur domicile pour profiter de leur science. Donc Abu Musa al-Ash'ari vint alors à nous et dit: Abu Abdurrahman est-il déjà sorti vers vous? Donc regardez ici, il fut dit Abu Musa al-Ash'ari vint alors à nous. Alors qu'Abu Musa al-Ash'ari à cette époque, c'était l'émir de la région d'Al-Kufa. Et il y a dans cela un principe essentiel dans la demande de science. Et ce principe est que l'étudiant doit à aller chercher la science. Et ce n'est pas la science qui doit venir à lui. Il n'a pas attendu de croiser Abdullah ibn Mas'ud pour le questionner sur ce qu'il a vu à la mosquée. Et ceci doit être le comportement de celui qui veut apprendre la science. Et certains ne vont pas utiliser ce procédé. Ils vont par exemple se dire « Non, il faut que le professeur vienne à moi. Mais moi, je n'ai pas forcément le temps d'aller chez le professeur. Je n'ai pas forcément le temps d'aller à la mosquée. Il faut que le professeur vienne chez moi, etc. » Et ceci est une erreur. Car on va vers la science. Et il n'y a pas de doute qu'il y a de nombreuses preuves à ce sujet. Parmi ces preuves, nous avons l'histoire du prophète Moussa alayhi salam avec Al-Khadr. En effet, Moussa alayhi salam s'adressa à Bnu Israël dans un sermon et on lui demanda quel est le plus savant des hommes. Et il répondit : Je suis le plus savant. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui révéla alors : Un de mes serviteurs se trouvant au confluent des deux mers est plus savant que toi. Ô Seigneur, comment puis-je le rencontrer ? Demanda Moussa alayhi salam. Et on lui dit : Prends un poisson dans un panier et il sera là où tu perdras le poisson. Il se mit donc en route avec son servant. Donc regardez, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge dans de nombreux versets du prophète Moussa alayhi salam, également que le prophète Moussa alayhi salam fait partie de Ulul Azm min ar-Rusul, malgré tout ça, il a voyagé pour prendre la science del khabar. Et ça nous montre ce principe qui est que l'étudiant en science doit aller vers la science. Ensuite, il fut dit, nous lui dîmes que non. Il n'était pas encore sorti. Il s'assit donc avec nous jusqu'à ce qu'il sorte. Subhanallah. Regardez, ici donc nous avons dit que Abu Moussa al-Ash'ari était l'émir de la région d'Al-Kufa. Il vient voir Abdullah ibn Mas'ud, alors que c'est un émir. On lui dit, il n'est pas encore sorti. Il aurait pu dire, c'est pas grave, je retourne à mes affaires. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est assis avec les étudiants. Et on tire de cela plusieurs enseignements. Parmi eux, l'humilité d'Abu Moussa al-Ash'ari. Pourquoi ? Car ce qui est apparent, c'est que ses élèves faisaient partie des tabi'in. Et Abu Moussa al-Ash'ari est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En plus de ça, c'est l'émir d'Al-Kufa. Mais malgré ça, il s'assoit avec les tabi'in. Alors que, comme vous le savez, les compagnons ont plus de mérite que les tabi'in. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est assis avec eux. Et ça montre l'humilité d'Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont pris cette humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh ibn Jabal rapporte : J'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. L'éminent savant Al-Sheikh Al-Fawzan ainsi que Al-Sheikh Muhammad Al-Qara'awi rahmahullah mentionne que cette parole indique l'humilité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte sur un âne en compagnie d'un de ses compagnons. Alors qu'aujourd'hui, tu ne verras pas une personne importante à notre époque monter sur un âne. Malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes, Ceci ne l'a pas empêché de monter sur un âne et ceci montre son humilité comme les savants l'ont expliqué. L'humilité est une caractéristique indispensable de l'étudiant en sciences. L'imam Abu Bakr al-Ajurri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre intitulé « L'éthique des mémorisateurs du Coran ». Il dit, rahmahullah, si il est victime d'une injustice, il pardonne. Il ne transgresse pas. Et si on transgresse à son encontre, il patiente. Il domine sa rage pour satisfaire son Seigneur et empire de dépit son ennemi. Ensuite, il dit, il est humble. Et quand la vérité lui est dite, il l'accepte du jeune comme du vieux. On va s'arrêter sur cette phrase. Lorsqu'il dit, rahmahullah, il est humble. Et quand la vérité lui est dite, il accepte du jeune comme du vieux. Et la parole de l'imam al-Ajurri nous rappelle l'histoire de Cheikh Mourbil ibn Hadi al-Wadi, rahmahullah. Lors d'un cours, comme ont mentionné certains de nos mashayikhs, on a dit à Cheikh Mourbil que certains innovateurs ont décidé de brûler certains livres. Et donc, ce qui était voulu par ces livres, c'est les livres de certains imams, tels que l'imam al-Nawawi et l'imam ibn Hajar. Et Cheikh Mourbil a répondu, c'est eux qu'on doit brûler. Et un jeune homme dans l'assise, comme les meshaykhs l'ont dit, 8 ans, 9 ans, comme ça, à peu près. Un jeune homme a levé la main. Et il lui a dit, oh cher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas, seul le Seigneur du feu peut châtier avec le feu? Et Cheikh Mourbil a dit, astaghfirullah wa atubu ilayh. Il a accepté la parole de ce jeune et est revenue à la vérité. Qu'est-ce que l'imam Abu Bakr al-Ajurri nous dit? Il est humble et quand la vérité lui est dite, il l'accepte du jeune comme du vieux. Donc, ce comportement, l'humilité, c'est le comportement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons ont pris ce comportement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les tabi'in ont pris ce comportement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les tabi'in ont pris ce comportement des tabi'in jusqu'à notre époque. Non. On va mentionner également une autre histoire de l'humilité de certains savants. Cette histoire, c'est l'histoire d'un grand savant qu'on appelle Al-A'mash. Si je ne me trompe pas, son prénom c'est Souleyman ibn Mihran. Non. Et donc Al-A'mash était un grand savant de son époque. Et les gens venaient de partout pour prendre de lui le hadith. Et un jour, les gens se sont rendus à son domicile, il n'était pas là. Ils se sont mis à le chercher, ils ne l'ont pas trouvé. Ils l'ont cherché à droite, à gauche, ils ne l'ont pas trouvé. Puis ils l'ont trouvé dans une assise avec des enfants. Et les gens lui ont dit, mais il y a l'imam. Les gens sont venus de contrées lointaines pour prendre de toi le hadith. Et toi, tu es là avec des enfants qui récitent le Coran. Et il leur a dit, au scout, et il leur a fait comprendre que c'est ça l'avenir de l'islam. Regardez cette humilité. Il s'assoit avec les enfants pour écouter de le Coran, alors que c'est un imam, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Ensuite, il fut dit, lorsqu'il sortit, nous nous levâmes tous en sa direction. Et Abu Moussa lui dit, « Oh Abba Abdurrahman, je viens certes de voir à la mosquée une chose que j'ai réprouvée Mais louange à Allah, je n'ai vu que du bien. Donc nous avons dit précédemment que Abu Moussa al-Ash'ari a vu dans la mosquée des gens évoquer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qu'ils ne connaissaient pas. Et vous allez voir, on va voir dans la suite de ce affaire que cette manière est innovée. Et donc on tire de cette parole que l'innovation ressemble à la vérité. C'est-à-dire que l'innovation comporte une part de vrai et une part de faux. Et on retrouve cela dans la parole d'Abu Moussa lorsqu'il dit « Oh Abu Abdurrahman, je viens certes de voir à la mosquée une chose que j'ai réprouvée, mais louange à Allah, je n'ai vu que du bien. » Il dit cela car en apparence cette action est bien, en apparence. Cependant la manière de faire est mauvaise. C'est pour cela qu'il les a blâmés. Et ceci indique que l'innovation comporte le vrai et le faux. C'est pour ça que l'éminent savant, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à ce sujet, l'innovation ne contient jamais que du faux. Car si tel était le cas, les gens n'auraient pas été trompés par celle-ci et ne l'auraient pas commise. Et elle n'est jamais totalement vraie. Car sinon, ce n'aurait pas été une innovation. Fin de citation de la parole de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahmahullah. Le deuxième enseignement, il y a dans cette phrase un fondement très important des gens de la Sunna. Et ce fondement est le fait de revenir aux grands savants de la communauté. Ce fondement est le fait de revenir aux grands savants de la communauté. Abu Moussa al-Ash'ari a vu quelque chose dans la mosquée. Il a vu des gens évoquer Allah d'une manière qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il ne s'est pas prononcé sur cette affaire et il est parti voir Abdullah ibn Mas'ud, qui est un grand savant de cette communauté. Et on tire de ce procédé le fait de revenir aux grands savants. Et il n'y a pas de doute que ce fondement est pris du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun » Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et les gens de science sont les savants. Et les gens de science sont les savants. Et également, nous avons dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nombreuses preuves de ce fondement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été rapporté par l'imam al-Tabarani dans son livre intitulé « Al-Mu'jam al-Awsat »« Al-Barakatu ma'akabirikum » La bénédiction est avec vos grands. Est avec vos grands. Et ce fondement était également bien connu des pieux prédécesseurs. Et l'imam Muslim, dans son recueil authentique, dans Kitab al-Iman, le livre de la foi, dans les premiers hadiths, il mentionne le hadith où deux hommes parmi les tabi'in, lorsque les gens ont commencé à contester le destin dans la région d'Al-Basra, donc qui est l'Irak actuel, ont voyagé de l'Irak jusqu'à la Mecque pour questionner l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les troubles qu'il y avait dans leur région. Et ce fondement-là est un fondement qui est très important. Lorsqu'il y a des troubles dans la communauté, il faut que les musulmans reviennent aux grands savants. Ces grands savants dont la barbe a blanchi dans l'obéissance de la science. Ces grands savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet إنما يخشى الله من عباده العلماء. Parmi mes serviteurs, seuls les savants craignent véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. Et les grands savants sont les héritiers des prophètes, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ulama warafatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Non. Ensuite, il fut dit, alors Abdullah ibn Mas'ud de lui dire, quelle est cette chose? Il répondit, si tu vis, tu le verras aussi. Puis il dit, j'ai vu à la mosquée des gens assis en cercle, en train d'attendre la prière. Un homme se tient dans chaque cercle, alors qu'ils ont des cailloux dans les mains. Et l'homme leur dit, dites Allahu Akbar 100 fois. Et il le dit 100 fois. Et leur dit ensuite, dites La ilaha illallah 100 fois. Et ils le disent, alors 100 fois. Puis il leur dit, dites Subhanallah 100 fois. Et ils le disent alors 100 fois. On tire de cette phrase plusieurs enseignements importants. Le premier enseignement est qu'il se peut que certains soient trompés par l'innovation. Et la cause à cela, comme nous l'avons mentionné précédemment, est qu'elle comporte une part de vérité et une part de faux. Et ceci apparaît clairement dans ce afar, car ces gens étaient beaucoup dans ces assises à faire cette innovation, car ils étaient en groupe. Également, parmi les enseignements de ce afar, est que le grand nombre n'est pas une preuve de vérité. Et ceci est une chose très importante. Le grand nombre n'est pas une preuve de vérité. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran blâme la majorité des gens. Allah subhanahu wa ta'ala blâme la majorité des gens. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Hud, en parlant du prophète Nour, alayhi salam, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Et peu de gens ont cru avec lui, c'est-à-dire avec Nour, alayhi salam. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié ce principe important dans sa sunna. Prenons par exemple le hadith de Abdullah ibn Abbas. Lorsque les communautés ont été montrées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les communautés me furent montrées et j'ai vu un prophète et avec lui, parmi ses suiveurs, entre 3 et 9 personnes. C'est-à-dire que ce prophète a appelé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et entre 3 et 9 personnes seulement l'ont suivi parmi les gens de son peuple. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et j'ai vu un prophète et il y avait avec lui une ou deux personnes. C'est-à-dire que ce prophète a appelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a appelé son peuple tawhid. Il les a mis en garde contre le shirk. Malgré ça, une ou deux personnes m'ont suivi. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wa ra'aytu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Et j'ai vu un prophète, il n'y avait personne avec lui. Et on tire de cela que le grand nombre n'est pas une preuve de vérité. Car malgré que ces prophètes étaient sur la vérité et qu'ils ont appelé à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils étaient envoyés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, très peu de personnes ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et peu de personnes les ont suivis. Non. Ensuite, Abdullah ibn Mas'ud lui dit alors, que leur as-tu dit? Abu Moussa répondit, je ne leur ai rien dit, dans l'attente de ton ordre ou de ton avis. Donc là, on voit le respect et la grande considération qu'Abu Moussa el-Ash'ari avait pour Abdullah ibn Mas'ud. Lorsque Abdullah ibn Mas'ud lui a demandé, lorsque tu as vu ces gens-là, qu'as-tu fait? Qu'as-tu dit? Je ne leur ai rien dit, dans l'attente de ton ordre ou de ton avis. Et ça, ça nous montre le respect et la grande considération qu'Abu Moussa al-Ash'ari avait envers Abdullah ibn Mas'ud. Et également, toujours, ça nous montre l'humilité al-tawadu qu'avait Abu Moussa al-Ash'ari. Et ça, ce comportement, on le retrouve même entre les savants. Et ceci nous rappelle une anecdote entre deux grands savants de cette communauté. Le premier savant, le noble Cheikh, Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve. Et le deuxième n'est autre que Cheikh Hamoud al-Touaidil. Donc, Cheikh Rabi a appelé Cheikh Hamoud al-Touaidil. Il lui a dit, voilà, je fais une recherche concernant tel et tel sujet et je regroupe les avis des pieux prédécesseurs, également des savants qui sont décédés et également les savants vivants. Et comme tu es l'un d'entre eux, donc je t'appelle pour te demander ton avis. Il lui a dit, A'udhu billah, analyste bi'ali. Il lui a dit, je ne suis pas un savant, je suis qu'un simple étudiant en sciences. Alors que Cheikh Hamoud Touaidili, il fait partie des grands savants de cette communauté. Mais malgré ça, il a dit non, je ne suis pas un savant. Je suis un simple étudiant en sciences. Donc même entre les savants, on voit leur humilité, comme cela s'est produit entre Abu Moussa al-Ash'ari et Abdullah ibn Mas'ud. Ensuite, il fut dit, Abdullah ibn Mas'ud dit alors, tu aurais pu leur ordonner de compter leurs péchés et leur garantir qu'aucune de leurs bonnes actions ne sera perdue. Le rapporteur dit par la suite, il est alors parti, et nous sommes partis avec lui. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'un de ses cercles, il se mit alors debout devant eux et dit, « Qu'est-ce que je vous vois faire ?» Ils répondirent, « Oh Abu Abdurrahman, ce sont des cailloux avec lesquels nous coûtons le tekbir, le tahlil et le tesbih. » Abdullah ibn Mas'ud leur dit alors, « Comptez plutôt vos péchés. Je vous garantis qu'aucune de vos bonnes actions ne sera perdue. Malheur à vous, aux communautés de Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam, comme votre perte est rapide, les compagnons de votre prophète sont présents parmi vous. Ses vêtements ne sont toujours pas usés et ses récipients ne sont toujours pas cassés. Je jure par celui qui détient son âme en ma main que vous êtes sur une religion plus droite que la religion que Mohammed ou alors que vous êtes en train d'ouvrir une porte d'égarement. » Donc là, on voit que Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, lorsqu'il a vu ces gens faire cette innovation, il les a blâmés. Et ceci nous montre qu'il faut réprouver le blâmable. Il faut réprouver ce qui est blâmable. Car si le blâmable n'est pas réprouvé, il va se propager. Et les gens vont considérer ce blâmable comme une vérité. C'est pour cela qu'il faut absolument réprouver ce qui est blâmable. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains hadiths, nous a montré qu'il y a des degrés pour réprouver ce qui est blâmable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abu Sa'd al-Khudri, Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Celui qui voit quelque chose de blâmable, qu'il le change avec sa main. Un père de famille rentre chez lui. Il trouve son enfant en train de faire un péché. D'accord ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il change ce péché-là, il réprouve ce mal-là avec sa main. Car il en a la capacité. Et ça ne va pas mener à une situation plus grave. Le deuxième degré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, donc maintenant la amine koumoun kalam falirayiru biyadi. S'il ne peut pas, alors avec sa langue. Parfois, tu ne peux pas changer ce mal avec ta main, car ça peut mener à une situation plus grave. Dans ces cas-là, tu le fais avec ta langue. Donc ceci est le deuxième degré. Le troisième degré dit ensuite « Wa illa miyastatir fa bi qalbi ». S'il ne peut pas, alors avec son cœur. Donc si tu ne peux pas, tu dois réprouver ce mal avec ton cœur. Ensuite, ils dirent, donc ces gens qui ont innové dans la mosquée, ils dirent « Ô Abba Abdurrahman, nous ne voulions que le bien ». Et il leur répondit « Et combien sont ceux à vouloir le bien sans ne jamais l'atteindre ?» Et les savants ont tiré de cette parole un principe très important. Ce principe est que la fin ne justifie pas les moyens. Qu'est-ce que cela veut dire, la fin ne justifie pas les moyens ? C'est-à-dire que lorsque tu as un objectif, lorsque tu as un but, pour arriver à ce but-là, pour arriver à cet objectif, tu dois emprunter des voies qui sont légiférées. Et ceci est une obligation. Tu as un but qui est noble, qui est louable. Pour y parvenir, tu dois utiliser des voies qui sont légiférées. Et donc, regardez ici. Ces gens-là voulaient le bien. Comment ils ont fait pour arriver à ce bien ? Ils ont fait des innovations. Et donc, Abdullah ibn Mas'ud les a blâmés. Donc, ce principe est que la fin ne justifie pas les moyens. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié ce principe dans le Coran. Dans le début de sourate Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ceux en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. » Les polythéistes avaient pour objectif d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vouloir être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'objectif de chaque croyant. Tout croyant espère faire partie des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce but est noble. C'est un but qui est louable. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des intermédiaires entre eux et Allah, qu'ils ont adoré, car ils se considéraient comme faibles. Ils avaient la conviction que s'ils adorent Allah directement, Allah n'allait pas accepter d'eux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont invoqué les prophètes, ils ont invoqué les anges, et ils leur ont demandé d'intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont associé à Allah. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ? Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah subhanahu wa ta'ala les a considérés comme polythéistes. Et ceci nous montre que la fin ne justifie pas les moyens, car leur but à la base était bon. Mais pour arriver à ce but, ils ont utilisé des mauvaises voies. Et donc, leur action n'est pas acceptée. Et ce principe est très important. Pourquoi ? Car la majorité de ceux qui contredisent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez eux la règle est que la fin justifie les moyens. Prenons par exemple ceux qui, par exemple, vont faire des attentats, qui vont, par exemple, tuer les musulmans et les non-musulmans, tels que la secte des Khawarij. Qu'est-ce qu'ils vont te dire ? Ils vont te dire, il faut juger par les lois d'Allah. Et ceci est venu dans le Coran. Le fait de juger par les lois d'Allah, c'est venu dans le Coran. D'accord ? Donc c'est un objectif qui est noble. Mais comment ont-ils fait pour parvenir à cet objectif? Ils ont fait couler le sang, alors que ceci est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont rendu mécréants les musulmans qui faisaient des grands péchés, alors que ceci est un égarement. Donc, ils avaient, entre guillemets, à la base, un bon objectif, mais pour y arriver, ils ont utilisé des voies innovées. Et ce principe-là, on le retrouve chez l'ensemble de ceux qui contredit la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que chez eux, la fin justifie les moyens. Ensuite, il dit, le messager d'Allah nous a certes rapporté que des gens réciteront le Coran, mais qu'il ne dépassera pas leur gosier. Par Allah, je ne sais pas, mais je crains que la majorité d'entre eux soit parmi vous. Puis, il partit. Amr ibn Salama, donc celui qui rapporte ce affaire, a dit, écoutez bien, nous avons vu la majorité de ces gens, c'est-à-dire ceux qui innovaient dans la mosquée, nous combattre le jour de Nahrawan avec les Khawarij. Et ce affaire est authentique. Subhanallah, Amr ibn Salama nous dit que ceux qui se regroupaient et qui évoquaient Allah d'une manière innovée, ils ont fini par combattre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les Khawarij. Et ceci nous indique quelque chose de très important. Ça nous indique que l'innovation que beaucoup de gens vont considérer comme petite se répète jusqu'à devenir grande. Et il est probable qu'elle sorte son auteur de l'islam. Et ceci apparaît clairement dans ce hadith, car ces gens ont fini par combattre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les Khawarij. Et à la tête des compagnons, à cette époque, il y avait Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée. Et quelqu'un pourrait se dire, nous avons dit précédemment qu'il est probable que l'innovation finisse par sortir la personne de l'islam. N'y aurait-il pas un exemple dans cela? La réponse est qu'il y a beaucoup d'exemples dans cela. Prenons par exemple l'histoire du peuple de Nuh, alayhi salam. Ils ont commencé par faire des représentations de certains pieux. Et ils ont fini par les adorer en dehors d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Également, on tire de ce affaire que la plupart de ces gens sont devenus des Khawarij. Et ceci nous indique que lorsqu'ils ont combattu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient la conviction que ceci faisait partie de la religion et qu'ils étaient sur la vérité, car sinon ils ne seraient pas allés jusqu'à combattre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant les enseignements de ce affaire, il y en a beaucoup. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur un point qui est important. Certaines personnes prennent ce hadith comme preuve pour dire que seuls les savants peuvent réprouver le mal. Et en vérité, cette parole n'est pas tout à fait juste. Et cette parole mérite beaucoup plus de détails, car en vérité, on ne peut pas affirmer cette parole et on ne peut pas non plus l'infirmer. Néanmoins, il y a plusieurs points dans ce affaire qui nous indiquent que cette parole n'est pas tout à fait juste. Tout d'abord, il faut savoir que les choses blâmables sont de deux types. Premièrement, nous avons ce qui est apparent et les choses que tout le monde vont connaître, que ce soit les gens de la masse ou même les étudiants en sciences. Ensuite, nous avons, deuxièmement, le blâmable qui va être caché. et que seuls les savants sont en mesure de blâmer. Et ces deux catégories furent mentionnées par l'imam al-Nawawi, rahimahullah, dans son explication de Sahih Muslim. Il dit, je cite, « Les choses apparentes et obligatoires, ainsi que les choses blâmables qui sont apparentes, doivent être blâmées par les gens de la masse, car dans cela, ils sont savants. » C'est-à-dire, ils savent que cette chose obligatoire a été délaissée, que cette chose blâmable a été commise. Ensuite, il dit, « Quant aux choses minutieuses qu'on va trouver dans certaines œuvres ou certaines paroles, ceci revient aux savants et aux étudiants en sciences. » Fin de citation. Néanmoins, il est impératif de savoir que dans certains sujets, l'étudiant en sciences n'a pas son mot à dire. Comme par exemple, dans les événements qui touchent la communauté. Ici, l'étudiant en sciences n'aura pas son mot à dire. Et il devra attendre que les savants s'expriment dans cette affaire. Et une fois qu'ils se seront exprimés, il transmettra leur parole aux gens. Cependant, dans d'autres sujets, il n'y a pas besoin de revenir aux savants. Imaginons qu'une personne demande un conseil à un étudiant et lui dit « Me conseilles-tu d'étudier chez telle personne ?» qui est connu pour son sectarisme et ses innovations. Et il lui dit par la suite « Ou alors d'étudier chez un tel qui est connu pour être sur la sunna, aimer la sunna, aimer les grands savants, propager la sunna, enseigner la sunna aux gens. » Ici, l'étudiant devra le conseiller d'aller étudier chez cette personne qui aime la sunna, la propage, l'immensifie. Et il n'aura pas besoin de demander à un savant, car ici, il a la science pour répondre à cette question. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Le sujet est bien plus long, mais inshallah ta'ala, nous allons nous arrêter là. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.